grands vaisseaux que la houle incline en silence ne prenne pas garde au berceau que la main des femmes balance. Mais viendra le jour des adieux, car il faut que les femmes pleurent et que les hommes curieux tentent les horizons qui tente les horizons.